Alors, pour la troisième partie, d'abord, juste une explication, hein, la différence entre ce que l'on pense de ce que l'autre pense, là, et les schémas d'interprétation, c'est quoi? Un schéma d'interprétation. Mais c'est la même chose. Le schéma C'est d'interprétation, la même chose ou il y a une nuance? la nuance, disons, le schéma d'interprétation fait référence beaucoup à ce que à des égrégores astraux, alors OK. qui vont faire en sorte qu'un bloc d'humains va penser comme ça, va penser comme ça, va penser comme ça. Puis toi, ben, connecté à ces égrégores-là, tu auras l'impression que les autres vont interpréter ce que tu fais de la mauvaise façon. Maintenant, la différence, ça se rapproche, la différence va être. Si moi j'ai peur que tu interprètes le fait que je touche la table de ma main de telle façon, si tu me dis, écoute Daniel, je ne pense pas ça. Si moi je fais confiance à ce que tu me dis que tu penses, eh bien, j'ai pas de problème d'avoir touché la table. Si je fais confiance à ce que je pense que tu penses et non pas à ce que tu penses, et même si tu me dis qu'il n'y a pas de problème, moi je trouve que tu es pas mal poli, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça devant Jacques quand même. Parce que là, je me fous de ce que tu penses. Je m'intéresse à ce que je pense que tu penses. Le schéma d'interprétation, c'est que je vais avoir peur que tu interprètes faussement ce que je fais. Puis si je fais confiance à ce que je pense que tu penses plutôt qu'à ce que tu penses, c'est que même si tu me dis que tu l'as pas mal interprété, je peux continuer à penser que tu l'as probablement mal interprété. Un schéma d'interprétation serait drainant, puis Alors, tout ça, c'est ce drainant. que je pense, que tu penses, ça c'est Bon, c'est drainant. drainant. La vie de l'humain est drainant. La Ouais, vie mais de l'humain est drainante, en il faut le dire. quantité, là, c'est pire. Ça dépend toujours comment tu es branché dedans, quoi. C'est sûr que la désinhibition se heurte souvent aux schémas d'interprétation qui vont devenir des arguments pour vous empêcher de vous désinhiber, parce qu'on aura peur de ce que les autres, comment les autres vont interpréter nos gestes. Et ensuite, parce qu'on fait confiance, on s'intéresse plus à ce qu'on pense que l'autre pense qu'à ce qu'il pense, ben nécessairement, ça crée un paquet de conflits. On va dire à quelqu'un, je suis content de te voir, tu viens me visiter une fois par mois chez moi et j'aime bien ça. Peut-être que l'autre ne viendra plus m'emmener parce que l'autre, ben, Il est il sûr, c'est sait pas très vrai. bien qu'il dérange. Il est Il sûr. sait. T'sais, ça paraît dans ma face quand je le reçois. T'sais, il sait. Puis même si je lui dis que ça ne dérange pas, t'sais, il n'est pas fou. Il sait que ça dérange. C'est ça, l'humain. Moi, ce que je dis, puis C'est ce que encore je là. vis, il n'y en a rien à foutre. C'est Il n'y a même toujours pas pour pas besoin de voir moi les. pour être malheureux. Il s'arrange tout seul. Et c'est ça qu'il faut briser. Moi, je dis à quelqu'un, il n'y a pas de problème, c'est réglé. Il faut que l'autre s'en aille, puis que ce soit réglé. C'est simple. Et si j'ai menti, c'est mon problème. Est-ce que je peux emprunter ta tondeuse? Oui. Et il l'emprunte, puis. J'aurais peut-être pas dû aller y emprunter. Tu vas penser que je suis têteux, tu vas penser ci, tu vas penser ça, tu vas penser ça. T'sais, laisse-la marcher, tondeuse, là, puis mets-toi en avant. C'est mon problème si je dis oui puis je veux pas. C'est mon problème. Si vous êtes esthétique, ben vous allez finir par vous rendre compte que je veux pas. Mais si c'est Daniel Kim, il est assez puissant pour dire non. On va savoir vite. Ben, de toute façon, c'est non. Non. Autant vous le dire, ça va vous Pas imiter d'ambiguïté possible. un téléphone, c'est ça, à Non. moins que vous vouliez la passer chez nous. Il y a toujours des situations atténuantes, comme ça, Oui, où mais on va peut pas plus devenir loin. plus social. Hein? Tu peux l'apprendre, mais va pas plus loin que la limite de mon terrain. Ouais, c'est ça. Mais. Il y a un sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est 94, il faudrait apprendre à se servir de ses amis, à s'en servir. Il y a du monde qui pense que bah, ça fait têtu, là, mais Regarde, peut-être ça encore. fait têtu, mais c'est un Bon, je vais élément. t'expliquer quelque chose. L'humain, vous avez besoin de téter. Oui. De ce fait, vous têtez sans arrêt. Mais nécessairement, vous avez appris quelque part que le têtage doit être un têtage bilatéral, minimum. Donc, ça doit être un échange d'énergie. Mais comme vous vous crissez royalement de ce que l'autre dit, de ce qu'il pense, donc de ce qu'il pense, si vous allez vous faire un échange d'énergie avec quelqu'un, et que lui vous dit qu'il n'y a pas de problème, vu que vous êtes bien plus fin et finot que lui, bien vous savez très bien que vous le têtez. que vous donneriez. Et se servir de ses amis, ça fait partie des solutions faciles. Le feu est pris, rampe. Tu vas aller en dessous de la fumée, puis tu vas être capable de trouver la porte. Ça fait partie des solutions faciles. Tu as un problème, tu as des amis, tu t'en sers. C'est pas têteux. C'est logique. C'est intelligent. C'est amical. Et si l'autre n'a pas le temps, il te dit qu'il n'a pas le temps. Et ça finit là. Nécessairement, quand deux humains vont s'approcher puis sont bien ensemble ou vont vivre une expérience ensemble, ils vont échanger de l'énergie ensemble. Le têteux, c'est l'individu qui est libéré. Celui qui est inhibé ne peut pas têter. Celui qui est désinhibé ne peut pas têter. Celui qui est libéré, il va têter. Et nécessairement, il ne s'en rendra pas compte. Ou il va trouver que c'est l'autre qui est pogné, que lui n'est pas libéré, mais que l'autre est pogné. Il y a un principe très, très, très simple à appliquer. Hein? Laisse donc la chance à ton ami de pouvoir te dire que ça ne fait pas son affaire, c'est ça. C'est ça. Au lieu de toujours anticiper. Dis-le pas pour lui. Oui, de penser ce qu'il pense, que tu penses que, en tout cas. Ça aide de te foutre de ce qu'il pense pour te concentrer sur ce que tu penses qu'il pense. C'est ça. Bon. Peux-tu venir m'aider? Il faut changer les freins de mon automobile. Ah, mais pas beaucoup de temps, là. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Tu peux pas venir m'aider, tu peux pas venir, pas de problème. Fini là. Mais vous en avez tellement peur de têter. Pas de têter qu'on a peur. Voulez-vous être aidé par vos amis? On a peur d'être en face du miroir, ben, c'est ça. Puis t'as peur aussi... Comment se servir de ses amis, là? T'as peur aussi que ça fonctionne et que tu sois plus heureux. Ben oui. T'aimes ta merde. Surtout pas s'en sortir. Ben surtout. Non. Alors, veux-tu régler ce problème? Oui. Appelle un tel. Oh, mais... veux-tu régler ce problème? Non. Alors, n'appelle pas un tel. Ça va, c'est bien plus facile de vivre de même. Tu n'as pas plein de raisons à donner pour l'appeler. Tu viens de constater que tu ne l'as pas t'en sortir. Tu veux changer tes freins, puis tu connais un tel qui connaît la mécanique un peu, qui peut t'aider. Oh, mais je ne sais pas, c'est pas évident, tu sais, il fait froid, c'est pas évident. Tu sais, les fêtes de semaine, le monde, ils sortent. Oh, le monde, ils sortent. Ils sortent bien. Ils sortent. Appelle. S'il est sorti, ça te fera pas mal. S'il est pour sortir ailleurs que pour tes freins, ça te fera pas mal. Puis s'il est pour dire oui, ça va te faire un peu mal. Mais tu vas pouvoir changer tes freins plus vite. Avoir le reste de la journée à toi. Ce sont les inconvénients. Puis c'est pas drôle. En même temps, on va côtoyer. C'est ça, tu dis, les maudits inconvénients. Là, après ça, t'es pogné à devoir lui dire merci. Ça, c'est tout à fait. C'est à constater que t'es manipulé, que t'es dépendant des autres. Bon, tu m'as vu des fois. Et en plus que les autres se trouvent être ton ami. Non, c'est encore bien plus terrible. Ça, c'est terrible. T'es bien mieux d'apprendre à faire. Non, vous êtes, franchement, vous êtes bien mieux de faire vos freins tout seul. Ça va être plus simple. Ça va vous prendre une journée et demie. Aller casser un boulon ou deux. Vous allez devoir acheter un paquet d'outils que l'autre avait. Mais au moins, vous allez avoir appris comment changer des freins. Oui, parce que si un jour quelqu'un vous appelle pour avoir besoin, parce qu'il a besoin d'aide, vous allez pouvoir y aller. En veux-tu des raisons idiotes? Puis si l'autre il vient changer tes freins, en plus, tu vas apprendre aussi à changer tes freins. Ça va coûter moins cher d'outils. Tu vas avoir plaisir avec l'autre. Il va aimer ça aussi sa journée. Puis si tu as aidé quelqu'un, tu iras pareil. Ces situations-là, on rit de ça, là, mais c'est... Ah, mais c'est des situations qui sont évidentes. C'est évident. Tu as une lettre à écrire à quelqu'un, tu n'es pas bon en orthographe. Tu demandes à quelqu'un s'il peut corriger tes fautes. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ouais. Il va penser que tu es allé à l'école. Qu'est-ce qu'il va penser? Il peut rien penser d'autre, Steve. Minimum... Tu sais pas écrire. Tu es allé à l'école. Minimum université. Mais non, mais qu'est-ce que... Ah, oui. Mais moi, je vous parle de simplicité. C'est pas bon. Peux-tu me corriger? Si l'autre a le temps, il corrige. Après ça, tu regardes ça, puis tu vois plein de fautes. Tu Tu ne vois pas comment tu es épais. Tu vois comment la langue française est compliquée. Mais non, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Tu es une c'est regarde-moi le paquet de fautes que j'ai écrit. C'est vrai. Mal la donc tel quel. Comme ça, ton chum ne pensera pas que tu n'es pas bon en français. Oui, next limit. Ils se limitent parce que, justement, ils ne sont pas bons en français, ils n'écriront pas. Bien, c'est ce que la majorité vont faire. Ouais. Parce que c'est le miroir, ça, là. T'écris, t'as des fautes, c'est le miroir. Ben oui, il faut pas que le monde le sache. Les gens qui ont de la difficulté avec les ordinateurs, là, les astis d'ordinateurs, là. Ben c'est ça, parce que, voyons, il marche pas, cet ordinateur-là! Ça, c'est un miroir. Il marche pas. L'ordinateur, il fonctionne. C'est toi qui fonctionne pas. Il est simple. L'ordinateur te dit de peser sur R. Puis tu pèses sur P. L'ordinateur, il fonctionne, lui. Il n'y a pas de problème. Hein? J'ai connu quelqu'un, il a acheté un ordinateur pour la première fois, et puis là, il avait un disque dur, là, il commence à tripoter avec sa souris, il y a un menu en haut, puis là, c'est écrit « formatage ». Ça, ça veut dire « tout effacer ce qui est sur le disque ». Alors, il n'est pas pour lire le livre, pas de suite. Pas tout de suite. Là, il essaie ça, « formatage ». Là, ça dit « tout ce qui est sur votre unité DH1-0 va être effacé ». Canceller? OK. OK. OK. tout ce qui, vous allez perdre à jamais tout ce qui est sur le disque. Ben, je suis bien ben niaiseux, ça, si tu bois. Je dis OK. Là, ça a tout formaté. Là, ça, il n'y a plus rien. Parce que il allumait après ça, la machine, elle disait, mettez telle disquette, parce que là, le disque dur, il n'y a plus rien dessus. Alors, on revient, je remets tout sur le disque, je redonne l'ordinateur. Là, il dit, bon, où en étais-je? Formatage. Il dit, comment encore la petite crise de question? Je dis, OK, l'autre fois. Là, ça ramène encore, êtes-vous sûr que? OK. Là, ramène l'ordinateur. Puis après ça, finalement, quand il comprend que il aurait dû lire ce qui était écrit plutôt que de dire, qu'est-ce que c'est? OK, OK, OK. Lui, il me dit, ben oui, mais elle ne demande pas assez souvent. Il y a une deux fois. Non, juste deux fois. Non, une deuxième fois. Alors que moi, déjà, quand je dis effacer, puis ça me dit, êtes-vous sûr? Je me dis, si, boire. Lui, ce qu'il suggère, c'est qu'elle demande trois fois en plus. Je vais m'arracher les icônes de l'écran, moi, là, c'est trois fois. Mais juste pour vous dire comment c'est que la personne était confrontée à elle, pas grâce, à cause de l'ordinateur. Ça fait toute partie, ça, des simplicités de la vie, n'est-ce pas? Vous voyez comment c'est facile vivre, là. C'est banal. Un jour, il y a un gars qui avait une grosse moustache, il était en train de camper, puis là, évidemment, son feu, c'était un Montréalais. Alors, un Montréalais, il commence par mettre du bois, tu sais, parce que dans un feu, tu mets des bûches, alors il met des bûches. Là, il prend. Un Montréalais, ça campe avec des allumettes. Des allumettes étanches à l'eau, vous savez, des allumettes à glacer au bout, là. Moi, je campe avec un briquet, moi. 3000 allumettes, puis tiens, on va être. Lui, il a sa petite boîte avec sa petite cire. Casse. Il arrive d'allumer une. Là, il pense avec sa petite bûche, là, son petite allumette, il va allumer les grosses bûches. Là, ça ne marchait pas, fait qu'à un moment donné, ben là, il se rappelle subitement qu'il y a un petit peu de nafta. Pas loin. Alors, il va chercher son nafta. Il y avait des petites braises, là. Puis là, il fait. Puis ça a fait. Et il est parti, il a perdu un bout de moustache. Et il y en a conclu c'est un rasoir. Non, il y en a conclu que là, il avait l'air fait en hostie avec juste une moustache, un bout de moustache. Ouais. Là, il y en a conclu qu'il ne peut pas se l'arraser. Parce que le monde va le voir sans moustache. Mais il y en a conclu qu'il ne peut pas non plus ne pas se l'arraser. Parce qu'il en restait juste la moitié. Des poils en dessous du nez. Non, mais tu sais... Ah. Mais toute la foule, le gars, il sacrait, il chiolait. Puis il savait, mais le monde recherche le malheur. Ouais. Tu sais, tu fais bout, bout, bout, bout, bout, bout, bout, fou. Pour être sûr, là. Ah. Puis là, tout le problème, là, tu finis là. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est tellement. Je sais pas si tu te rappelles, tu as déjà rencontré ça, les hippies? Oui. Les grosses barbes, les gros cheveux longs. Pendant leur sommeil, coupez-leur la barbe. Ou les cheveux. C'est la guerre. Aujourd'hui, Ah, ils ont les cheveux tout bien courts, ils n'ont plus de barbe. Tu sais, c'est pas ces temps-là, c'est pas. C'est ça la vie de l'humain. Tu sais, c'était tellement important, tellement important, tellement important. Il faut absolument, absolument qu'on s'aille. Si on veut se servir de ses amis, ça veut dire, premièrement, être capable d'admettre qu'on a des amis. Ça, c'est tout un autre style d'affaires. Parce que vous n'en voulez pas d'amis. Vous voulez des connaissances, vous voulez des camarades, des compagnons de travail, des choses comme ça. Des amis, pour plusieurs, c'est emmerdant. Là, c'est parce que vous confondez famille et amis, tu sais. Bon. Vous voulez des amis, donc nécessairement, s'ils sont vos amis, c'est qu'ils sont un peu comme vous. Donc, nécessairement, c'est des gens qui vont vous respecter. Des gens que vous devez respecter. Accepter d'avoir des amis, ça veut dire être obligé de s'admettre qu'on a besoin de d'autres. Pour un conscientisé, c'est déjà un effort, ça, là, pour plusieurs. Il y en a qui sont capables d'avoir deux, trois, pas des amis, deux, trois petits disciples autour d'eux. Et ensemble, on est correct. C'est le même mot du problème. Si on parle, par exemple, of ça, il faut être probablement un minimum de 300 individus de bonne qualité. Pas 7-8, pas 10-15, pas 20-22, là. Probablement autour de 300 de bonne qualité. Mais il y a des individus qu'eux autres, non, ils sont 4-5, ils sont 6-7, là, puis ils sont corrects. C'est tellement pas ça. Donc, admettre que tu as besoin de d'autres. Admettre que tu en as besoin pour t'alimenter. Donc, admettre aussi de t'alimenter. De cesser de penser que tu têtes. Écoute, je te tête dessus. L'autre dit non, c'est réglé. Vous vous fiez à ce qu'il pense, donc à ce qu'il dit, et non pas à ce que vous pensez qu'il pense. Bon. Se servir de ses amis, ça veut dire s'en servir pour s'amuser. Puis quand on parle de s'en servir, c'est de s'en servir. Servez-vous de moi au maximum si je ne veux pas me dire non. Quand je dis non, mais vous comprenez, puis ça finit là. On va être amis. C'est des amis, ça. Quand l'autre dit non, puis que, ben oui, mais là, tu vas être mon ami, puis je te demande des services, il dit non. Moindrement que l'autre est émancipé, là, c'est plus évident qu'il va être votre ami. Ensuite, être capable de se servir de ses amis pour parler. Le conscientisé, la conscientisée a une parole relativement magique. Plus les gens vont être nombreux à se réunir pour parler d'un problème, que les gens parlent ou que les gens assistent pour entendre parler, du groupe de 5-10, du Genesis, c'est exactement la même chose, plus de gens vont faire ce genre d'exercice, plus ça crée dans l'astral. Ça crée des solutionnements à des problématiques. Ça crée une percée où l'intelligence va pouvoir passer. Bon. Antérieurement, il y a quelques temps, il y a le Nazaréen qui disait là où deux ou plus vont se réunir en mon nom, mais à l'époque, on parlait du Christ, qui est l'intelligence fondamentale, je serai parmi eux. Bien, évidemment, c'est pas le Nazaréen qui va aller parmi eux autres. Mais l'intelligence... En son nom, parler d'amour, parler de paix, parler d'esthétisme, parler de tu sais, on parlait, bien, évidemment, là, c'est traduit de l'araméen à l'hébreu, de l'hébreu à l'anglais, de l'anglais à l'allemand, de l'allemand au français. Fait que c'est sûr qu'on en perd des petits bouts. Bon, mais c'est la même chose. Donc, le fait d'avoir des amis, vous avez des problématiques astrales, des problématiques des inhibitions, n'importe quel style d'affaires. Mais la ruse humaine, c'est justement de ne pas en parler. Où on en parle tous les deux, là, mais là, tu sais, parle-en pas aux autres. Tu sais, je veux pas qu'un tel, puis un tel, puis un tel. Écoute, lâche ces amis-là. Ou bien, c'est pas grave s'ils sont au courant. Plus il y aura de gens au courant des bébites qui vous habitent, des problèmes que vous avez, plus vite ça va se régler, puis sans que vous ayez à faire trop d'efforts, parce que juste parce que vos amis ne parleront pas contre vous, vont parler contre le problème. Juste parce que des gens vont en parler de ce petit problème-là, bien, les choses vont se régler à peu près tout seul. C'est pas de la théorie. Nous l'appliquons régulièrement entre une quantité d'individus du groupe des chefs et ça fonctionne. Puis on parle de problèmes de mineurs, des problèmes tellement, tellement d'envergure qu'on ne voit pas comment on peut régler ce problème-là avec tel ou tel individu. Puis juste le fait d'en parler constructivement, on ne parle pas contre l'individu, on parle contre la stupidité de tel problème. Et par la suite, quand on rencontre la personne, souvent elle va venir nous dire, écoutez, j'ai pris telle décision, là, je pense que, puis finalement, c'était exactement dans la même ligne que nous autres. On ne l'a même pas manipulé. Puis ce qui arrive souvent, c'est quand on se met à en parler, elle se met automatiquement à réfléchir. Vous, pour vous, c'est la même chose. Mais on cache. On cache. Vous ne voulez pas vous voir la face, puis vous avez tellement peur de ce que les autres peuvent penser de vous si vous voyez la face. Écoutez, on est toute une gang d'humains. L'astral est là. Ce n'est pas l'humain qu'on doit haïr, c'est l'astral. Ce n'est pas l'astral qu'on doit aimer, c'est l'humain. Alors, nécessairement, bon, il est jaloux, il a peur de ceci, il n'est pas sûr de cela. Plus on va le savoir, plus ça va se régler. C'est sûr qu'humainement parlant, l'humain étant construit, manipulé par les structures habituelles, si on connaît une faiblesse chez quelqu'un, bien, l'humain normal s'en sert pour le démolir. Mais tenez-vous pas que du monde comme ça. Puis quand vous allez avoir trouvé vos bons amis, bien, servez-vous de vos amis. Ce sont des clés. Des outils essentiels. J'ai un problème, j'en parle. Puis il y a des problèmes qui ont été réglés où on disait à la personne, parle-nous-en. La personne a dit, écoute, j'ai 50 000 $ de dette et tout le monde me court après, même si je vous en parle. À moins que vous puissiez toutes me donner 60 000 $. Mais sans ça, je ne vois pas. Non, je dis, écoute, on ne peut pas te dire quoi faire. Ce que je te dis, c'est que si on en parle... Lui, elle, moi, toi, les choses vont s'améliorer. Je ne sais pas comment. Je te dis que ça fonctionne. C'est une mécanique. C'est le même. Alors, on a commencé à en parler. Tu étais là d'ailleurs. Mm-hmm. Une soirée de temps. Puis, deux semaines après, d'autres réunions, on en a encore parlé. Pas du problème, de la stupidité de ce problème. Ça juste contenu ça. Ah, mais c'est stressant, tabarnouche. Puis, arrive ici, puis arrive ça. Puis après ça, je ne lâche pas. Puis... Puis là, à un moment donné, on regarde. Tu sais, te rends-tu compte comment c'est la vie? Brillant comme on est, à manger comme tu l'es. On ne parle pas contre la personne. Deux semaines après réunion. Ah, bien là, si tu là, il y a une affaire que j'avais à vendre, là, que personne ne voulait avoir. Puis là, apparemment, ça va. Puis là, fling, fling. Puis à un moment donné, bien là, j'ai eu une offre d'emploi. Mauditement, puis finalement, le gars n'a plus de problème. Tout s'est réglé, puis il n'y a plus de dette. Puis en plus, après chaque réunion, les deux semaines qui passaient, il était mieux. Il avait du carburant. Il se servait de ses amis. C'était difficile pour lui. Parce qu'au départ, il disait, écoutez, non, on fait une réunion, tu sais, mais je ne suis pas pour vous embêter toute la soirée avec mes affaires. Et on se réunit pour parler de nos problèmes. Alors pourquoi ça donne? Puis lui, c'est une personne qui a réglé beaucoup de problèmes. Alors pourquoi faut-il que quand c'est maintenant tes problèmes, que là, ça va déranger les autres? Parce qu'il y a une chance de s'en sortir. Et parce qu'il veut rester dans sa merde. Ça. Parce que, est-ce que ça va te déranger, je parle de mes problèmes? Tu dis non. Qu'est-ce qu'il en déduit? Ça va déranger. Fait que là, il a fallu qu'on commence par là pour parler brosser la cage. Puis finalement, on a commencé à parler de son problème. Puis lui, bien, il n'a pas le choix, il était là, tu sais. Mais finalement, bien là, il a commencé à embarquer un petit peu. Puis tout s'est réglé. Puis ça se règle, c'est très réflexe l'affaire. Quand c'est bien fait, c'est pas 3-4 ans après, là. Dans la semaine qui suit, il a vu des changements majeurs, des changements qui étaient imprévisibles. Mais l'intervention d'intelligence n'est pas prévisible par l'astral. À l'époque, il est là, puis tu sais, je dis, oui, mais si tu vas à ton terrain, là, tu claires déjà la moitié de ta dette, tu vas avoir un petit peu d'argent. Il dit, ça ne va rien changer, parce qu'il va se passer ci, il va se passer ça, il va se passer ça. Bon, on a parlé. Après ça, hop, il va le terrain. Bien, il ne s'est pas passé ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a un là-bas qui a oublié tel dossier. Puis parce qu'à un moment donné, bien, il y a eu la chance de peut-être qu'il y avait un emploi en même temps, ce qui fait que la banque a dit, bien, écoute, on va attendre avant d'eux pour voir si tu peux que. C'est ça, les humains ont commencé à changer de leur façon de penser, de voir le gars, parce que l'astral autour du gars avait été changé. Par la discussion qu'on avait faite. Se servir de ses amis, ça sert à ça. Pour la maladie, c'est utile. On ne parle pas de guérison, on parle de parler. ou juste pour allumer la flamme que des fois peut être éteinte. C'est-à-dire que si tu te sers de tes amis, nécessairement, tu donnes du carburant à la flamme. Ou ensemble, oui, c'est ça. OK? Parce que te servir de tes amis, ça veut dire vivre dans l'ère nouvelle. Donc, tu mets du carburant. OK? Être capable d'accepter de te voir la face telle que tu es, ça met du carburant. Donc, tu ravives la flamme. Tout, je vous ai parlé de ce qui était des anticarburants. Donc, des carburants qu'on allume à un moment donné dans des réacteurs qui vont nous empêcher d'avancer quand on approche trop du succès. L'humain, s'il se sert donc des outils, bon, on parlait de l'amitié, on parle des inhibitions. S'il fait l'inverse, s'il accepte d'appliquer des techniques ou des solutions, même si c'est anti tous ces maudits concepts. T'sais, je te suggère d'aller voir un guérisseur philippin. Non, mais c'est prouvé que c'est faux. Ça ne guérit un paquet. Oui, mais ça guérit juste des épais. Mais tu aurais intérêt à être épais 2 semaines, là. Aller voir le guérisseur et revenir guéri. C'est entre toi et moi. Penses-tu que moi, je suis assez épais pour me faire guérir par le guérisseur? Non, si tu es trop intelligent, tu vas rester malade, toi. Si c'est une des solutions, si elle est accessible, bien, vous relaxez, puis vous y allez. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, ça a ses inconvénients. C'est dommage. Là, vous êtes guéri, puis là, bien, vous allez devoir vivre comme une personne guérie, c'est-à-dire que vous allez devoir trouver d'autres façons d'arriver à être malade. C'est ça? Oui, mais il va quand même rester un humain normal, là, c'est bien évident. Sauf que ça l'aurait laissé... Oui, mais c'est pas obligatoire. Là. C'est pas obligatoire. Rester... Non, mais je parle de la démarche d'un humain quand même. Oh, quand oui. Un humain est guéri, c'est pas long qu'il cherche une façon d'être encore malade. Oui, je sais. Ils font des crises de cœur, on les soigne, après ça, ils relaxent un peu, ils cherchent encore une façon d'être. Toutes les fois qu'on est sur le bord d'être malade, on se sert de ses amis pour empêcher ça. Là. On devrait se servir de ses amis suffisamment pour ne plus être sur le bord d'être malade, évidemment. Oui. Mais se servir de ses amis, ça veut dire être capable continuellement de se servir de ses amis. Tu as besoin d'affection, il y a des amis qui peuvent t'en donner. Mm-hmm. Tu es inhibé en face de certains, mais tu sens que ça pourrait être bien, bien, c'est à toi de commencer un travail de désinhibition. Pas attendre que ça plaise à ton ego. Ça ne plaira jamais à ton ego. Ben non, lui, c'est... Pas attendre que l'astral veuille. L'astral n'a rien à faire, elle ne voudra pas non plus. Elle même pas de vouloir. Mais non, c'est juste que ça ne la regarde pas. C'est des mécaniques. Bon, alors, tout ce que tu as à faire, c'est de parler avec l'autre. Juste le fait de parler, elle est déjà réglée une grande partie de la désinhibition. Et ensuite, commencer un travail. Plus le travail est lent, mieux il va être fait. Une désinhibition rapide dans les premiers temps est toujours une libération. On fait une libération douce, mais on ne se nourrit pas dans une libération, on se libère. Donc, on est mieux, on est dégagé, on n'est pas nourri, on n'avancera pas. Et une grosse différence, regardez ceci, je me libère doucement avec une personne, je suis mieux, libre. J'ai besoin d'elle, quand t'es pas là, j'ai un trou, mais... Parce que je suis libéré, sa présence ne me nourrit pas. Au début, j'aurais l'impression qu'elle me nourrit un petit peu. Elle ne me nourrira pas tout le temps. Parce que je ne suis pas désinhibé, libéré. Et tout ce que ça va faire, c'est quand elle est là, mais quand elle est partie, j'aurai un vide. Ça peut être de petit à beaucoup. Et quand elle va revenir, j'aurai l'impression qu'elle me nourrit. Non, elle me sécurise. Je ne l'aime pas. Il y a une nuance entre être sécurisé par quelqu'un et aimer quelqu'un. Toutes les couples se sécurisent mutuellement. C'est peut-être de l'amour. Si je me désinhibe avec une personne, ça va être lent, progressif. Et chaque fois qu'on va se rencontrer, on devra recommencer la désinhibition. Ça sera de plus en plus rapide. Mais ce sera à refaire à chaque fois. Et à chaque fois qu'on va être capable d'être en contact désinhibé, à chaque fois, on va grossir énergétiquement. Et quand on va cesser, on va s'éloigner, si j'étais désinhibé, Je vais me rappeler du plaisir que j'ai à m'alimenter, mais je ne souffrirai pas de baisse de potentiel. Si je souffre une baisse de potentiel, c'était parce que j'étais libéré ou parce que je m'auto-flagelle d'avoir eu du plaisir, du bonheur. Bon. La désinhibition, elle n'est jamais réglée pour la vie. Elle se refait quotidiennement à chaque fois. À chaque fois qu'on... On devra se réapprivoiser. Oui. À chaque fois. Tu es désinhibé avec ton mari? Bien, ça veut dire que chaque matin, chaque soir, après chaque fois que vous reviens de travailler, que vous vous revoyez, vous devez vous réapprivoiser. Ça prend 30 secondes, ça prend une minute. Il y aura toujours un arrivé froid qui va ralentir les deux particules élémentaires qu'on appelle les humains.